encore une fois, il n'y a rien d'autre à faire que de penser qu'on s'en ira quand on aura décidé de faire. Fais briller à vivre pour une fois, tu marches ici comme dans un rêve, et à la douceur de ta voix, comme au tremblement de tes lèvres, je sens l'impatience faire de moi. L'arbre et le monde sans la cesse, et dans la violence du combat, je serai le roi de mes rêves. Ça se pose la même moi, et doucement bientôt ça fait. À saisir au creux de mon bras, à faire de cette nuit un enfer. Le ciel rétive à la fois soumise au crissement de ma chair. À la douleur que tu ne vois pas, je vois trembler encore mes lèvres. Je sens l'indolence qui me gagne, puisque tu n'en as rien à faire. C'est l'indifférence qui me soigne, c'est la pesanteur. La nuit était tombée trop fort, et je revois d'ici la scène de notre tragédie sans décor. Sinon, défendez-moi mes peines, il n'y aura pas d'escale pour mes portes.